On enchaîne tout de suite avec le récapitulatif. Non. Oh non. Ouais, non, t'as fait un... Ok, on a eu des... Ouais, ah c'est voilà. Vrai, t'es pas à l'antenne, on n'a pas entendu. On mais... m'a muté. Pardon, excuse. Donc voilà. C'était un teaser. Bonjour Harrison, bonjour Doris, comment ça va ? Bonjour. Et très bien, donc le récapitulatif d'hier réalisé comme d'hab par Jeanne 7. S-E-2-T, et ben, je vous laisse l'apprécier. L'apprécier tout de suite, c'est-à-dire maintenant. C'est une litanie. Je crois que je le tiens le truc. Là. Voilà. Regarde, c'est pas beau ça. Ça, ça va. Hein. Ça, c'est Field Recording. Il y a d'autres trucs un peu plus graves. Et mais si j'appelais pour enregistrer, souvent, il met un temps fou à s'allumer. Ouais, voilà, le petit mardi du soir. Ça va ? Oh, ça va et quoi ? Tu me reconnais ? Bah oui, bien sûr, ça va être trop plaisir. Oh, génial! Ça va? Bah oui! Ça correspondait un peu à toute l'histoire de ce projet qui dans le fond il y a toujours des problèmes là où tu les attends pas, ça finit par tout finit par foirer mais tu le récupères quand même d'une autre manière et puis du coup ça se rattrape et c'est le vrai blé hein. Ouais. C'est quand même ce chant, il a quand même donné ce blé, il a été battu à Alain, il a été mané, moulu, enfin, quand même, mais il savait pas grand chose. Je leur ai dit pas, de faire un pain. Oui, bah oui, on non, mais début, ils avaient... non, mais... oui, mais là il m'a dit voulait... qu'ils allaient faire de la pâte à sel. Ah. Je dis non, faites-le pas. Et voilà, donc Balagne Archipel nous a donné la possibilité de créer cette pièce sonore. Pour faire exister cette parole et donc la faire exister effectivement radiophoniquement, mais comme tu le disais Marie, aussi par les sons et pour aller un peu plus, aller plus loin, pour raconter des choses qui des fois sont difficiles juste à transmettre par les mots. Voilà, bah, je vous souhaite une très bonne écoute et puis si vous voulez, on en reparle volontiers après au bar, en bar ou une autre fois. Voilà. Et ça, c'est marrant de ressentir ça en chant de télé. Enfin, ça fait du bien, en fait. Tu bois ton café et tu dis waouh, ça me fait du bien dans la gorge, je sais pas, je comprends. Après, t'es content d'aller te laver, tu vois. Je savais bien que c'était la morphine qui faisait que c'était trop bien, mais je me disais quand même, waouh, profite bien de ce jour, tellement c'est bien. Voilà, merci beaucoup Jeanne pour ce récap d'hier. Donc je vais juste, à titre d'information, vous renseigner un peu sur ce qu'on vient d'écouter. Il y avait donc des extraits de la performance du collectif Insub, qui s'appelle donc Insub Polytopie, le nom de la pièce. Et ensuite, on a entendu un extrait de la pièce de Clara Allouin, qui était dans le salon d'écoute. Nuit, encore nuit. Nuit, encore nuit, pardon. Je l'ai mal dit.